Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, Lost in Space de 21h à beaucoup plus tard, on commence immédiatement avec 999. Thank you. hills, Century City, everything's so nice and pretty. All the people look the same. Don't they know they're so damn lame? There she goes, slipping through, stand that man, cowboy boots. Everything's so nice and pretty, and all the people, they look the same, but don't they know they're so damn lame? Bad Brains, à l'instant sur le 100 FM, on continue avec nos rubriques récurrentes sur l'underground musical français. En 1979, face à ce bouillonnement créatif, Jean-François Bizot relance le magazine Actuel, considérant qu'il peut contribuer à faire monter la mayonnaise. Deux ans plus tard, il saisit l'aubaine de la fin du monopole d'État sur les ondes hertziennes et la fin du brouillage des radios libres dès l'accession au pouvoir des socialistes en mai 1981. Il lance Radio Nova, qui se revendique alors underground et sera, parmi bien d'autres choses, l'une des premières à diffuser du hip-hop en France grâce aux programmations Dynasty, le grand éclaireur du rap français, lui-même actif en tant que DJ dès le début des années 80. À Marseille, Radio Grenouille, créée dès 1980, a aussi ses émissions hip-hop cultes animées à partir de 1986 par DJ Rebel. Les radios libres ne sont désormais plus pirates, mais légales, dès lors qu'elles sont assermentées par une autorité de régulation. Radio Canu à Lyon, pirate depuis 1977, attendra 1985 pour être libérée. Quelques-unes vont s'imposer dans une logique typiquement commerciale. Ce sont surtout les radios locales, militantes et associatives, qui vont jouir sans entrave de la bande FM et diffuser des musiques alternatives. Sur Radio Libertaire, Gérard Théronès anime Jazz en Liberté de 1982 à 2008. Jacques Perdereau crée Epsilonia en 1986. La revue sonore des nouvelles musiques Planeta est réalisée par les membres d'Alésia Cosmos et se concrétise par une dizaine de cassettes audio. Aujourd'hui, on écoute sur Internet. Comportant interviews, montages sonores et extraits de concerts. Ces cassettes sont diffusées de 1984 à 1986 grâce au soutien du ministère de la Culture auprès d'une quinzaine de radios locales. Plus près de nous sont diffusées sur les ondes les émissions La Nuit des Sauriens depuis 1992 sur Radio Stoliac à Sens, Cacophonie depuis 1996 sur Radio Grenouille à Marseille, Solénoïde et Songs of Praise sur Aligre FM en Ile-de-France et sur 13 radios francophones, L'Asile le plus sûr sur Canal B à Rennes, ici et maintenant sur Radio Campus Grenoble. 1, 2, 3, 4. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un drôle unitaire, roi révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un drôle unitaire, roi révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Eh ben moi c'est Fab, je suis à Radio Canu depuis maintenant 2 ans avec l'émission La Causerie et je suis aussi membre de la prog, voilà la programmation. Du coup, Radio Canu, qu'est-ce que c'est? C'est une radio associative, autogérée, donc qui n'a pas de salariés, qui ne repose que sur des bénévoles et qui essaye de pratiquer au maximum la démocratie directe dans ses décisions. C'est une radio sur laquelle vous allez entendre tout et pas vraiment n'importe quoi, parce qu'on est quand même un petit peu sélectif. Et vous aurez aussi la joie d'entendre des émissions politiques, des émissions littéraires, des émissions sur les jeux vidéo, et voilà, enfin c'est très très varié, des émissions transpédéguines, des émissions féministes, enfin voilà, la grille Canu quoi. Ouais, mais c'est juste les affiches, ça devait être cool, hein, mais il y en a un peu partout. Ça permet juste de redire aux gens... L'ordre n'est pas une fin en soi. Les racistes ayant peu de connaissances et peu d'intelligence pensent que les Arabes sont forcément musulmans. Du coup, il y a des actes anti-musulmans qui se sont beaucoup développés. Donc, mois de janvier, record absolu. Officiellement, il a été recensé 176 actes anti-musulmans. Alors, donc juste sur le mois de janvier, alors que sur l'année dernière, toute l'année, il n'avait été répertorié que 133 actes anti-musulmans. C'est-à-dire qu'il y a... C'est plutôt ça le risque. C'est qu'au fur et à mesure, eh ben, cette notion de loisir, d'exception, d'événementiel, de tourisme, bah, ça s'agrandit. Et puis qu'on soit tous touchés par ça. Je suis Delphine, je présente le Canu Info du jeudi. Donc c'est de 19h à 20h sur Radio Canu. Donc les Canu Info, c'est du lundi au vendredi. À chaque fois, c'est des équipes différentes qui animent l'émission. L'idée, c'est d'avoir... un regard sur l'actualité un peu différent de ce qu'on peut trouver dans la presse plus classique. On vient tous les jeudis, on travaille, et puis on se développe, on apprend d'autres choses. Et puis on essaye de faire de mieux en mieux, toujours plus, ouais, un petit peu. C'est une journée... fait partie de toute la campagne de soutien à Radio Canu où on essaye de récupérer de l'argent pour acheter un local. Et donc cette journée, c'est une journée un peu festive. On vient écouter de la musique, boire des coups, discuter, rencontrer les gens, acheter des t-shirts et parler de la radio, faire un truc un peu convivial. Parce que des fois, on n'est pas toujours convivial, on est un peu concentré sur la radio. Voilà, l'idée c'est de boire des coups et ça nous rapporte des sous. Ce qui a créé cette idée de cette journée et cette soirée, c'est l'appel aux dons. Après, on a déjà fait des choses ici pour d'autres, d'autres raisons. Mais là, effectivement, c'est vraiment la campagne d'appel à dons qui justifie notre présence. Quel métier président, y'a rien d'excitant, fantasme sur des gens que tu connais pas. Y'a pas de carrière dans le rap, y'a que des faux départs. Les maquilles leur lacune derrière un flot des bars. On a compris le manège, le malaise étant qu'on se contredit à force de trop les parts. C'est quoi ce rap français de merde? Ça pue, je reste dans mon coin. Les mecs s'approprient la rue au point de se balancer eux-mêmes. J'écoute Radio Canu parce qu'ils font en sorte que je me sente libre, parce que pour moi c'est une radio libertaire et que je suis anarchiste dans l'âme, donc je ne fais que les respecter. Pourquoi je suis venue ce soir? Parce qu'en ce moment je suis hospitalisée et qu'il n'y a qu'eux qui font en sorte que je me sente libre, encore une fois. Je les écoute tous les jours et grâce à eux le temps passe plus vite. Et puis voilà, je suis venue les voir pour les aider tout simplement, pour qu'ils continuent. On est le collectif soutien aux ZAD de France, donc pour les ZAD Notre-Dame-des-Landes, Center Park, Roibon, Testé. Et là c'est 2015, on allait faire de l'information dans la rue. Et en même temps aujourd'hui il y avait une après-midi soirée de soutien à Radio Canu. Du coup une des radios associatives de Lyon qu'il faut défendre. Comme la Radio Canu a soutenu les ZAD, a fait beaucoup d'informations sur les zones à défendre, et ben nous on passe entre autres à Radio Canu, puis on va suivre l'après-midi de soutien tout en parlant des zones à défendre. Merci Montpellier. Donc, du coup là on est à la Plume Noire. Donc la Plume Noire c'est une librairie autogérée. Elle est autogérée par les militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Donc voilà, donc qui fait librairie mais qui fait aussi du coup salle de. On fait des projections, des concerts, des débats, etc., etc. Et puis du coup, le lien avec Radio Canu, c'est qu'on a une émission depuis assez longtemps, depuis pas mal d'années, qui s'appelle Idées Noires, donc le mercredi soir à 20h, et qui nous permet, nous, de pouvoir toucher un autre public aussi que les personnes qui viennent à la librairie, et qui permet surtout pour nous de donner notre point de vue sur l'actualité, en fait, notre point de vue anarchiste, et de pouvoir un peu, voilà, être diffusé un peu partout grâce à Radio Canu. Ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals, avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals, avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Je m'appelle Michel, donc je suis adhérent au syndicat CNT-PTT, donc adhérent affilié à la CNT. Donc CNT est une organisation syndicale qui est dont le siège est situé donc sur les pans de la Croix-Rousse au 44 rue Burdeau, donc assez proche de Radio Canu, hein, de la place de Satonnet. Donc on a des liens privilégiés sur les pentes entre toutes les associations des pentes, Tiens bon la pente, Radio Canu, La Plume. On est pas mal d'adhérents de la CNT sont aussi à Radio Canu. La CNT a eu aussi des émissions radio sur Radio Canu, même si aujourd'hui elle n'en a plus. Des adhérents, ponctuellement, on intervient, effectivement. Donc, nous avons organisé des fêtes en soutien à Radio Canu, parce que bon, Radio Canu aussi, comme nous-mêmes d'ailleurs, avons des problèmes financiers pour payer et notre loyer. Donc, on a une solidarité aussi d'organisations qui refusons les financements publics. La CNT est accueilli dans un local qui s'appelle le collectif utilitaire lyonnais. Donc il y a aussi un bar associatif, il y a donc tout un toute une organisation qui peut nous permettre d'accueillir des soirées et donc d'essayer de financer un peu nos luttes et puis d'apporter du soutien donc à des organisations comme Tiens bon la pente, Radio Canu ou autre. La CNT, voilà. Ils ont eu la gentillesse de nous accueillir et de nous soutenir, que soit en nous faisant aussi des dons, soit en nous soutenant par l'information, soit en nous accueillant lors d'une soirée pour qu'on puisse accueillir un peu tout le monde et puis raconter c'est quoi la radio. Eh ben on va acheter 150 cordes et voilà, ce sera la fin de la radio. Ben on prendra des otages et on fera payer des rançons. Non, c'est pas ça. On a reçu quand même un petit peu des petits mots, des petits chèques des gens de la Croix-Rousse. C'est vrai qu'en plus on a fait des soirées dans le quartier. Donc les gens sont touchés. C'est un quartier qui a une forte sensibilité. Donc les gens ont envie de rester dans le quartier et d'être accompagnés aussi par un média libre. Donc ouais, pour beaucoup je pense que c'est quand même plus. Je n'ai pas d'une guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. La fin du monopole hertzien télévisé se concrétise en 1984 avec la première chaîne privée Canal+ qui dépoussière le PAF. Puis viendront l'ultra commercial La 5, les robinets à clip TV6 puis M6, l'avant Arte avec La 7. Quelques rares émissions musicales animeront les écrans, les enfants du rock, Megamix, Rapline, avant d'être envoyés au cimetière des mortes prématurées. C'est à Toronto, au bord des Grands Lacs, que les Enfants du Rock ont retrouvé le groupe français numéro 1, parti enregistrer l'album Dure Limite avec le producteur canadien Bob Ezrin, connu pour avoir réalisé Berlin de Lou Reed, The Wall de Pink Floyd et la plupart des disques d'Alice Cooper. En studio ou au pied des chutes du Niagara, ils démontrent à Alain Weiss qu'un quatrième album n'a rien entamé de leur enthousiasme. On dit que téléphone à un public adolescent, est-ce que Téléphone est resté un groupe adolescent? Je ne sais pas. Vraiment, je ne saurais pas dire cela. Je ne peux répondre à cette question. Moi, mon copain et moi, on ne sait pas, on comprend mais pas. Mais c'est que les autres, ils sont cons. Les autres, ils comprennent rien. Ils sont trop occupés à la politique, à regarder les actualités. Quels autres? Ceux qui sont pas adolescents. Ton cul, il est adolescent. 100 millions pour ses 30 ans et la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc, loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mi-couplé. Téléphone, on a un son qui maintenant que bouge mes enfants et ma femme et aussi tous mes amis ici, même s'ils ne comprennent pas du tout ce qu'on dit, mais c'est un son très immédiat et très facile à comprendre à première écoute. Chaque jour où le manque d'amour. mur, pas mur, pas mur, pas mur. Non, non, non, non. Go back to the top. Okay. Et de cheminée en cheminée, voyou, passionné, étrange animal au sourire vertical, il ne sait pas quand il fait mal. On n'a jamais parlé d'une séparation probable. J'ai vu une petite annonce dans les magasins de musique, comme quoi ils cherchaient, le téléphone cherchait un batteur. Ouais, mais c'était ça, c'était pour C'était un poisson d'avril. C'était pour le faire, je me suis représenté, ça a marché. Non, on a tellement bien conçu. Ouais. On a bien soudé. C'est vrai, t'enlèves. C'est comme une pyramide. T'enlèves. En fait, on n'est même pas un groupe soudé, on est un vrai groupe, quoi. Ouais. On voit pas mal de groupes de rock aux États-Unis et tout ça, qui sont des assemblages de musiciens avec des contrats et tout ça. Nous, on n'est pas ça. De sable malin qui regarde tomber. Sable, certains qui regardent passer. N'oublie pas d'oublier que toi tu vas passer. Ce que nous faisons est simplement le rock. Et ça, je l'ai fait pendant 12 ans, où j'ai essayé. Et les dernières 3 ans, ou peut-être 4, je n'ai pas trouvé les musiciens avec qui de le faire, moi. Et maintenant, je suis très content. Parce que j'ai trouvé 4 rock'n'rollers. La vague rose au municipal de 1977 aura peut-être déjà amorcé un mouvement de fond difficilement perceptible. Toujours est-il que l'arrivée de la gauche socialiste au pouvoir en 1981 est marquée par une politique culturelle forte. Jacques Lang, défendant l'idée d'une culture à même de contribuer à résoudre les problèmes économiques et sociaux engendrés par la crise. Il commence par multiplier par 2 le budget du ministère de la Culture, qui, il est vrai, avait une allure rachitique. Maurice Fleuret, ardent défenseur de la musique contemporaine depuis 1962 dans les colonnes de France Observateur, puis du Nouvel Observateur et par l'organisation de festivals de 1967 à 1974, est nommé à la direction musique et danse du ministère de la Culture. En 1982, il impulse avec Christian Dupavillon la fête de la musique, un signal fort pour la reconnaissance de toutes les pratiques musicales, y compris amateurs, quelle que soit leur tendance. La même année, il crée un service regroupant le jazz et la variété et crée une commission consultative pour les jazz et les musiques improvisées. Ses actions institutionnalisent les écoles, l'enseignement du jazz et subventionnent de nombreux festivals. En 1986, l'ONG Orchestre National de Jazz est créée et sa direction confiée à François Janot. Il existe maintenant un orchestre de jazz d'État. Maurice Fleuret quitte ses fonctions au moment de la première cohabitation en 1986. Je vous le disais en début du journal, demain 21 juin, eh bien, ce sera l'été. Et pour fêter son arrivée, M. Jacques Lang, le ministre de la Culture, a eu l'idée d'organiser une vaste fête de la musique. Demain, entre 20h30 et 21h, vous êtes tous invités à montrer vos talents de musicien. Et puis après, vous pourrez aller faire la fête. Il y aura des centaines et des centaines d'orchestres un peu partout dans les rues des villes et des villages. Une manifestation qui s'annonce bien, si l'on en croit le ministre, M. Jacques Lang. Nous l'écoutons. À lire le courrier que nous recevons chaque jour ici, ce sont des centaines de milliers de gens à travers la France, des petits, des grands, des musiciens amateurs, des musiciens professionnels qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel. Et je crois que lundi prochain, à 20h30, des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Et je crois que cette immense armée des musiciens français montrera sa force ce soir-là. Est-ce bien sur alors... les places publiques, dans les kiosques, dans les rues, au pied de son domicile, à sa fenêtre. Est-ce bien le rôle de l'État que d'organiser de telles fêtes? Jusqu'ici, nous n'y étions guère habitués. Nous n'organisons pas. On dit simplement, libre à chacun de témoigner par son instrument de musique de sa joie à voir l'été revenir. Mais naturellement, il n'y a pas d'obligation. Et chacun est libre. On entend en ce moment le canon tonner un peu partout. On entend aussi les monnaies s'entrechoquer. Est-ce bien le moment d'organiser des fêtes? Mais je crois que si on veut gagner les batailles contre la dépression, contre le chômage, pour la réanimation économique du pays, il faut avoir confiance en soi-même. Et il faut que les forces de vie, toutes les forces de vie, les forces de l'intelligence, les forces de la joie, les forces de l'expression, se mettent en branle. Au fond, la vie c'est un tout. Et l'économie et la culture c'est un tout. Et un pays morose, un pays déprimé, ce n'est pas un pays qui gagne les batailles économiques. Et si nous sommes en mesure de trouver en nous-mêmes la force de rire, nous aurons aussi en nous-mêmes la force de lutter contre l'inflation et de lutter contre le chômage. Ce n'est pas en pleurant et en gémissant qu'on gagne les batailles économiques. C'est au contraire en croyant en nous-mêmes et en croyant aux forces extraordinaires d'un pays comme la France. Du côté du rock, des musiques amplifiées, la politique culturelle de l'État tarde un peu plus à venir et va finalement répondre à des demandes insistantes du milieu associatif. Bruno Lyon crée en 1985 une fédération d'associations, le Réseau Rock, et le Centre d'information du rock en 1986, qui sera intégré à l'IRMA, Centre d'information et de ressources sur les musiques actuelles, lors de sa création en 1991. En 1987, la TVA sur les disques et cassettes, jusque-là calée sur le taux des produits de luxe de 33,3%, est abaissée à 18,6%, une doléance formulée dans le manifeste des baroques 11 ans auparavant. En 1989, Bruno Lyon devient finalement chargé de mission rock et chanson au ministère de la Culture. Dans ce cadre, il cofonde le guide L'Officiel de la Musique, 1987, et élabore un plan label qui vient soutenir une cinquantaine de labels indépendants, toutes tendances confondues. Aya, Bondage, Boucherie, Celluloid, Nato, Neurose, à travers le versement d'aides financières. Le plan n'est pas pérennisé au-delà de 1992, constatant son échec. Les labels n'utilisent pas les moyens financiers accordés pour consolider leur activité, mais pour produire plus de disques. Le rock français bénéficiera aussi de la loi de 1986, instaurant des quotas de chansons francophones imposés aux radios, un minimum de 40% de chansons d'expression française dans leur programmation. Dans la salle du bar, ça bande la rue des martyrs. Il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a les ivrognes qui s'effondrent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, ça bande la rue des martyrs. Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum. Je vois, on éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, ça va de la rue des martyrs. Certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, ça va de la rue des martyrs. Il y a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici l'ado, c'est à la poignée.

toutes ces gens de l'aéroport n'arrivent même plus à m'amuser. Leur pouvoir caméléonesque ont détraqué ma machine à lire les pensées. Je rêve de mon espace lumineux, mais pourquoi penser en français? Une fille traverse mon champ de vision, elle a des hanches aux ongles dorés. Elle va vite, je bouscule des uniformes. Je la rattrape dans les toilettes, puis je mets mes lunettes à rayon S. Elle me remarque et je lis l'ennui. Je la viole. Départ, Mexico City. Parce que chez moi, amour et sexe n'ont qu'un seul nom qui se dit. Je sais, mais c'est la seule chose qui me fait bouger. Je sais, mais je crois qu'elle a aimé. Je sais, le maître a besoin de moi. Se convaincre que le thème du ras-le-bol fiscal est largement une construction médiatique, il suffit de constater qu'il efface du débat public un autre ras-le-bol, au moins aussi crédible, le ras-le-bol de la stagnation ou de la régression du pouvoir d'achat. Au lieu de souscrire à l'emballement médiatique, le rôle d'un journalisme exigeant aurait été de s'interroger sur ce que les ressentis et les on-dits de vacances, fussent-ils ministériels, recouvrent de réalité. Ok. Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est une voix bien profonde. Affûterez-vous, vous en verrez. Trois gousses d'ail en offrande. Une cuillère en bois est nécessaire pour ne rien rayer du fond de la poêle. À saisir lentement. Longanis, boudin, lard et gourmandise. Les retirer sans trop tarder. Quatre verres de semoule de fer doré. Dans un verre d'eau, les séparer. Deux heures seront nécessaires pour qu'apparaissent les boulettes. Continuez de remuer. Avec amour, dégustez-les. We'll be right back. quand bien même ras-le-bol il y aurait, concerne-t-il tous les Français et revêt-il le même sens pour chacune des catégories socioprofessionnelles ? Les cris d'orfraie du MEDEF et le mécontentement des couches populaires, frappés de plein fouet par l'augmentation des impôts non progressifs, et notamment des impôts sur la consommation, et donc par la stagnation ou la baisse de leur pouvoir d'achat, sont-elles à placer sur le même plan ? Our wonders lie. Mais plus d'une dizaine de jours après l'irruption fracassante du ras-le-bol fiscal sur la scène médiatique, que l'on voit apparaître dans la presse des dossiers sur ce que, au juste, était censé recouvrir ce phénomène de ras-le-bol fiscal. Mieux vaut tard que jamais, voire, car il s'agit plus souvent de justifier plutôt que d'expliquer. Yeah. Sarkozy-Hollande, 84 nouveaux impôts en 2 ans, titre Le Monde le mercredi 4 septembre. Le quotidien dresse ainsi l'inventaire des hausses et créations d'impôts réalisées depuis 3 ans avec un constat. Ceux-ci atteindront un record absolu en 2013 avec un taux de prélèvement obligatoire de 46,3% du produit intérieur brut. Pluie d'impôts sur la France titre quant à lui l'article qui résume cette enquête dans le magazine du Monde. Le ras-le-bol fiscal existe-t-il ? En tout cas pour le Monde, il a toutes les raisons d'exister. Toujours sur le 100 FM, Lost in Space Radioactive, c'est l'heure du live maintenant. On retrouve les Melvins que l'on avait déjà entendu une fois. C'est un concert enregistré au Slims à San Francisco en Californie et en 2001 pour le jour de l'an, donc le 31 décembre 2001. Le live des Melvins, c'est terminé. On continue en musique. Et si vous voulez retrouver les titres que nous passons, c'est comme d'habitude sur la page correspondante du site de la radio, radio-active.net, Lost in Space. Love. it's Kip Casper, Clone Radio. LA's infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it.